soleil brille et les jeunes filles et l'amour ardent. Mais un peu plus loin, le paradis à portée de main. Toujours le paradis, la fête au village, amis de passage, les balcons fleuris s'arrêtent ici pour vivre sa vie. Bonheur fugace ne laisse trace, restez à quoi bon, car d'autres s'en vont derrière l'horizon. Car un peu plus loin, le paradis, à portée de main, toujours le les nuages gris, le désert, l'ennui, plus rien devant qui soit comme avant, une seule fois 20 ans. Les fleurs fanées, le poids des années, monde autour à qui dire bonjour, plus guère d'amour. Mais un peu plus loin, le paradis,